Allons-y. Allons-y, on se le fait. C'est parti, le récap du vendredi 24. Ils se font enfumer dans la salle, ils se font enfumer la gueule. Alors, ce soir au programme, toutes les parties en fait, de la pièce pour synthétiseur analogique Drums de Laurie Spiegel, qui était écrite en 1980, et l'idée était de la transcrire pour instrumental acoustique, à savoir que les instruments ont été fabriqués par les musiciens eux-mêmes. Et à cela s'ajoutent deux commandes par l'ensemble. Enfin, passer par l'ensemble à Mika Levy et Claire Rouzet, dans cet ordre-là. La durée du concert, 50 minutes sans pause. Stéphane Garin, Julien Garin, Alexandre Babel. Bah ouais, grave, le truc très métronomique et très pièce, bah elle est très mécanique quoi, très séquencée, ça fait séquenceur très synthé, comme c'est quelqu'un qui a, c'est une compositrice qui a travaillé avec ça. Ouais, j'ai reconnu ce truc là et j'ai trouvé ça plutôt bien fait et plutôt cool. Moi en fait j'ai rien compris. Je pensais que c'était tout que c'était genre l'interprétation de Laurie Spiegel de A à Z. Je teste les 1, 2, 3, ouais. Pédécalé, ouais. Pourquoi il y a des. Pourquoi il y a ces traductions? Pourquoi moi je comprends pas besoin d'entendre des trucs alors que j'ai en arrière. Et puis j'ai pas exactement pris de la parole, hein, ça part cuisine. Et du coup je prenais trop le rat avec l'est. Juste ça m'a fait pas la fin. Hein, mais... C'est Alessandra. Laurent Bossetti. Il me dit tout ça, il dit elle est géniale et elle le connaît, ils ont fait un truc ensemble. Quoi ? Donc moi je vais d'abord écouter Alessandra Boga et coup de cœur immédiat. Je trouve ça hyper beau. Et j'ai tout à fait reconnu la connexion avec Lorraine Conner, en fait c'est marrant. Même des rumeurs. Quelque chose d'autre et re-attendre pour rajouter quelque chose d'autre. Enfin, c'est. En fait, je trouve qu'elle a pris les devants. Elle suffit à elle-même et que t'es en mode je comprends pas pourquoi ça a pas duré plus longtemps et que tu dois la réécouter parce que c'est trop bien. Et bah là, elle a décidé de dire ah bah c'est trop bien donc on va le faire durer 20 minutes, même peut-être plus, je sais pas. C'est ouais, complètement perdu le temps ouais, là-dedans. C'est ça. On perd la notion du temps. Si ça avait été juste ça le concert, ça m'aurait complètement soucié. Non, c'est pas qu'on essaie de la chanter. Parce que Sixto sait chanter, hein, ça c'est sûr. Il écoute beaucoup, mais il chante aussi. Moi ça me fait penser. Au début, ça me faisait penser à un album de Brian. Enfin, Brian Eno et son fils, je crois. Colors. Je sais pas si tu vois. Il avait fait tout un truc avec des thèmes, Spring Frost. Ok. L'album s'appelle Colors. D'accord. Et c'est vraiment. Des choses à faire. Assez simple, répétitive, mais c'est les bonnes. Toi, faut pas se mettre en temps, tu fais un temps que tu veux. Mais pourquoi tout le monde est devant l'entrée? Ah, parce que tout le monde veut des places. Ah, c'est tous les gens qui veulent des places? Putain, il faut courir là. Est-ce qu'on pose nos bières? Salut! Merci Jeanne pour ce récap de la veille. Avec grand plaisir.